C'est du lourd, lourd. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. C'est du lourd, lourd. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. Bienvenue à Vitry, aux grandes avenues comme Compton, aux sirènes d'LA. Mais ici c'est 9-4 pom pom, foulec, lourd comme la peur qu'éprouve un poulet. Ou dès que je rentre en cabine et que je pose un couplet, qu'un free love pour toujours. Nous après la guerre on fait l'amour, gros c'est du lourd, lourd. Comme la base du morceau, hein Manu. Hey Mista, mon Kobe, c'est des sacrés morceaux. Ça sent le sexe comme au festival de Cannes. C'est du lourd, comme un coup Franck Beckham. Les grosses bécanes, les star code Rital. Comme percer un coffre à la meule, c'est le mythe. Mafia qu'un free, c'est lourd comme nos mamies. Dresse neuf comme à Las Vegas, du lourd comme un clash. De la Hoya Trinidad, des grosses baffes comme Bud Spencer et Trinidad. C'est la classe, c'est un casse pour le cash. C'est du lourd, comme une cuite au Whiskas. Les plus gênés se cachent, lourd, lourd. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. C'est du lourd, lourd. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. J'suis lourd comme un Snip Ladaya qui force un barrage, ou comme un 3 tonnes qui fonce sur un Brinks dans un virage. Mec, c'est lourd, comme toutes les saisies dans ma banlieue. Congrès en haut lieu de voyous, paro dans nos lieux, que du lourd. Sur des R1, 24 sur 24 sur terrain, sur nos terres. L'oseille prolifère, viens faire un tour dans nos souterrains. Genre multinational illicite, du lourd, lourd. Pour les accessions de cours, cours, salope, cours, cours. Mets ta robe cache, cours, j'fous. La merde en gros avec les barges, mon ghetto. Mais lourd, la mafia africaine, ma putain de clique et tu cries au secours. Demande à ta fouf qui sont les coqs dans la basse cour. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. C'est du lourd. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. Lourd comme mes couilles derrière les barreaux, ou la charge d'un taureau sur le torero, mon gros. Ce morceau c'est King Kong qui te saute dessus pour t'aplatir. Aussi lourd qu'une peine de mort qu'on peut plus abolir. Lourd comme une pression flashball dans le Corse, ou d'un règlement de compte en Corse, ou l'impact d'un coup de crosse. Lourd comme les enculés, l'USS Force. Lourd comme le parcours de Tupac Shakur. Lourd comme il se tape son cul en bas des tours. C'est du lourd sur la balance, quand on balance sur la sono. Hors concours, impressionnant comme les sumo. Lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, lourd. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. C'est du lourd, lourd. Un bon son rude pour les mecs du sud, lourd, lourd. Un bon son hardcore pour les mecs du nord, c'est du lourd, lourd. Bien modeste dans les pays de l'Est, négro, tire dessus, j'perds, c'est le Far West. C'est lourd, mafia qu'un frère fait son retour, son lourd, comme un poids lourd, beaucoup trop lourd. Mafia qu'un frère fait son retour, c'est lourd, trop lourd, beaucoup trop lourd. Mafia qu'un frère fait son retour, son lourd, comme un poids lourd, beaucoup trop lourd. Mafia qu'un frère fait son retour, c'est lourd, trop lourd, beaucoup trop lourd.